Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Avant les fêtes, Nathalie Kina, animatrice à Futur Simple, nous avait présenté une chronique sur le diabète pour démystifier les différentes formes de cette maladie qui affecte le pancréas. Alors, nous avions soulevé la question d'une hausse de cas de diabète de type 1. Elle nous avait promis de revenir nous en parler et elle a tenu sa promesse. Alors, la revoici avec une autre chronique sur le diabète pour répondre aux questions qui avaient été laissées en suspens. Bonjour, Nathalie. Allô, François. Alors, Nathalie, tu avais mentionné avant les fêtes que certaines statistiques semblent indiquer une augmentation des nouveaux cas de diabète de type 1. Mm-hmm. Mais on avait manqué de temps pour aborder ce sujet. Alors, rappelle-nous, en fait, quelle est l'ampleur du diabète de type 1 au Canada? Oui, selon les dernières statistiques, au Canada, c'est 45 000 enfants qui sont atteints du diabète de type 1. Uh-huh. Ça, c'est un enfant sur 300. Si on ajoute les adultes, on parle de 300 000 Canadiens qui sont aux prises avec cette maladie et on rappelle qu'ils demandent de s'injecter quotidiennement de l'insuline pour survivre. D'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner que ça fait aujourd'hui 98 ans que l'insuline a été inventée, et ce, par quatre Canadiens, Frédéric Banting, Charles Best, John MacLeod et James Collip, qui étaient alors à l'Université de Toronto. Et par curiosité, comment se comparent ces chiffres avec le diabète de type 2? Toujours selon Santé Canada, 2,3 millions de personnes sont touchées par le diabète tout type confondu, donc le 1, les 2 et les autres sous-types. On dit que 90 % des diabétiques sont de type 2, donc on peut dire qu'il y a 2 millions de diabétiques de type 2 au pays. C'est quand même pas mal plus que de ceux qui sont atteints du type 1, finalement. Oui, oui. Alors, on entend souvent parler d'épidémie de diabète de type 2 dans les médias. En effet, c'est facile à comprendre. Comme les diabétiques de type 2 sont plus nombreux, ils retiennent évidemment plus l'attention des médias. Tout à fait, hein? On en parle beaucoup parce que, en fait, le nombre de diabétiques de type 2 augmente, notamment à cause de la hausse de l'obésité. Mm-hmm. Alors, il faut rappeler que le diabète de type 2 est intimement lié à la génétique, d'une part, mais aussi aux habitudes de vie. Effectivement, la sédentarité. Oui, exact. Mauvaise alimentation. Ça, beaucoup de sucre, oui. C'est ça. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on observe beaucoup plus de cas de diabète de diabète de type 2 chez les enfants, justement à cause de l'inactivité grandissante qui mène à l'embonpoint et puis à l'obésité. Alors, les médias en parlent donc pour sensibiliser les gens, j'imagine? Oui, oui, tout à fait, parce que, il faut le rappeler encore une fois, on peut prévenir et même parfois guérir le diabète de type 2 si on adopte de saines habitudes de vie. Et oui, et ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour le diabète de type 1. Effectivement, le diabète de type 1 se développe parce qu'on a une prédisposition génétique qui est déclenchée par certains facteurs que, malheureusement, on connaît encore très mal. On ne peut pas prévenir ni guérir le diabète de type 1 pour l'instant, mais il faut que je rappelle que ce n'est nullement relié aux habitudes de vie. Alors, tu as tenté de savoir si le nombre de diabètes de type 1 augmentait? Oui. Quand mon fils a été diagnostiqué il y a 2 ans, je me rappelle qu'une infirmière m'avait mentionné que depuis 10 ans, elle avait remarqué qu'elle avait plus de patients d'enfants diabétiques de type 1. À ce moment-là, elle me disait, bon, c'est une observation, c'est avec mes propres données, mais elle n'avait pas d'explication. Alors, c'est un petit peu titillé la journaliste en moi. Un peu plus tard, à l'école de mon fils, quand lui est arrivé à l'école en première année, il y avait déjà une petite fille diabétique, donc il était 2. Et puis, en l'espace de 15 mois, ils sont passés de 2 à 4 diabétiques. C'est quand même beaucoup. C'est alors que je me suis dit, je vais fouiller sur le sujet. On dirait effectivement qu'il y a une augmentation. Puis j'ai parlé à ce moment-là à une infirmière scolaire qui, elle aussi, avait remarqué une hausse de nouveaux cas depuis 2017, chez les jeunes enfants surtout. Mais ça, c'est encore une fois, c'est à l'échelle locale. Donc, j'ai fouillé, j'ai essayé de trouver des chiffres, des statistiques, puis j'ai trouvé quelques études qui rapportent une tendance effectivement à la hausse. En Europe, par exemple, selon différentes études, il y aurait une hausse de 3 %. Ça correspond à environ 79 000 enfants diabétiques de plus annuellement. En plus de ça, je suis tombée sur une étude américaine qui signale que les cas ont augmenté de 21 % entre 2001 et 2009. Et il suggère même que ce nombre pourrait tripler d'ici 2050. OK. Et est-ce qu'on a des chiffres pour le Canada? C'est très difficile d'avoir des chiffres pour le Canada et le Québec parce que nos statistiques incluent souvent le diabète de type 1 et 2. Okay. Donc, d'essayer de On a l'ensemble. C'est ça, on a l'ensemble et d'extraire juste et le type 1. C'est pas ventilé. Non, exact. Ça, c'est en fait, c'est fait parce que quand un enfant se présente à l'hôpital et qu'on lui diagnostique un diabète, on va inscrire sur les fiches de déclaration diabète, mais on mentionnera pas un ou deux. Okay. Alors, c'est ça le problème. J'ai quand même déniché des chiffres pour la Colombie-Britannique. Donc, la province a rapporté 201 nouveaux cas de diabète de type 1 chez les enfants en 2005-2006. Et ce nombre est de 250 en 2007-2008. Donc, il y a eu 49 cas de plus en deux ans. Uh-huh. Une endocrinologue pédiatrique montréalaise, ça, c'est les médecins qui s'occupent de traiter le diabète, la docteur Miranda Nakla, à qui j'ai parlé, elle a recensé 3704 nouveaux cas de diabète de type 1 entre 2006 et 2015 au Québec. Donc, le nombre de nouveaux cas de diabète de type 1 semble augmenter, si je comprends bien. On observe une tendance à la hausse, oui. C'est beaucoup moins tape à l'œil, si je peux dire, que la hausse du diabète de type 2, mais c'est aussi sérieux comme problème. Mm-hmm. Le diabète de type 1 se déclare majoritairement dans l'enfance, donc ces enfants-là vont vivre avec la maladie chronique toute leur vie. Oui, tout à fait. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette hausse de diabète de type 1? En fait, on sait que ce ne sont pas les habitudes de vie, alors qu'est-ce que ça pourrait être qui pourrait causer ça? Ben, les chercheurs, malheureusement, ne savent pas vraiment. Il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Il y aurait le facteur héréditaire. Donc, nous avons tous, la population en général, un risque de 0,4% de développer un diabète. Okay. Si un de nos parents a le diabète, ben, notre risque augmente à 4%, donc 10 fois plus. Si les deux sont atteints, est-ce qu'on a des chiffres? Non, je n'ai pas les chiffres, okay. Mais j'imagine que c'est encore plus haut. Hein? Plus haut. Mais encore là, l'hérédité n'explique qu'une minorité de cas parce que 90% des diabétiques de type 1 n'ont pas d'antécédents familiaux. Okay. C'est le cas de mon fils. Il n'y a aucun cas de type 1 dans ma famille ou celle de son père. Dans une entrevue, j'ai parlé avec Shazam Ahmed, une chercheuse au BC Children's Hospital, et elle me disait que certaines variables de l'environnement, particulièrement dans les premières années de vie, pourraient modifier le système immunitaire et déclencher le diabète. OK. Par exemple, notre tendance à vouloir tout aseptiser. Un excès d'hygiène, il peut rendre notre système immunitaire paresseux. Et dès qu'on se trouve en contact avec un microbe, il réagit à l'extrême, il se retourne contre lui-même. C'est ce qui arrive, par exemple, pour les allergies. Et c'est ce qui explique aussi la hausse d'allergies. Et on pense que ça pourrait expliquer également la hausse de diabète. Parce que le diabète, la maladie apparaît quand le système immunitaire s'attaque aux cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Un peu comme une maladie auto-immune. Exactement, hein? C'est une maladie auto-immune. OK. Donc, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Oui, il y a des études qui suggèrent un lien avec une carence en vitamine D, vu que le diabète de type 1 se déclare davantage dans les pays qui ont un climat nordique, comme ici au Canada. D'accord. D'autres chercheurs soupçonnent l'introduction précoce des produits laitiers et des céréales avant l'âge de 4 mois. Mais la docteure Ahmed me confiait qu'il faut encore beaucoup d'études sur le sujet avant de pouvoir expliquer clairement les origines du diabète de type 1. Et est-ce qu'on doit s'inquiéter de tout ça et de cette hausse de diabète de type 1? Encore une fois, selon un endocrinologue pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants, non, on ne devrait pas trop s'en inquiéter parce que la hausse semble se stabiliser, okay. Du moins dans certaines régions. Par contre, cette chercheuse et médecin, Dr Nakla, elle a mis le doigt sur une autre situation qu'il ne faut pas prendre à la légère, qui s'appelle l'acidocétose diabétique. Okay. Donc, elle a fait une étude qui a fait un état d'un nombre important de cette complication du diabète de type 1 qui peut être mortelle. Et en quoi consiste cette complication, au juste, l'acidose diabétique? En fait, quand le diabète n'est pas diagnostiqué rapidement, les gens ils font régulièrement des hyperglycémies, donc ils ont trop de sucre dans leur sang, parce que leur pancréas ne fournit pas d'insuline pour réguler leur taux de sucre. C'est ça. Et trop de sucre qui est inutilisé par les cellules dans le sang, c'est pas bon à long terme. Avec le temps, il s'accumule des substances toxiques qu'on appelle des corps cétoniques et qui rendent le sang acide. Et puis, si la problématique n'est pas prise à temps, la personne peut sombrer dans le coma et même en mourir. OK. Bon, ce n'est pas rien, là. Non. Et la chercheuse a remarqué qu'il y avait plusieurs cas? Oui, effectivement. Entre 2006 et 2015, sur les 3700 nouveaux cas de diabète de type 1 chez les jeunes Québécois, 27% sont arrivés en acidocétose à l'hôpital. Donc, c'est près du tiers. Et selon son expérience clinique, ça ira en augmentant si on ne fait rien. D'ailleurs, une récente étude du Centre universitaire de santé McGill a fait état d'une augmentation de 2% de cas d'acidocétose par année depuis 2001. OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'acidocétose, Nathalie? Bien, toujours selon l'étude du Dr Nakla, les jeunes qui ont un médecin de famille ou un pédiatre, donc sont suivis annuellement, ont respectivement 31 % et 38 % moins de risques d'arriver en acidocétose parce que leur diabète risque d'être diagnostiqué avant que ce ne soit le cas. Okay. Donc, la chercheuse insiste sur le fait qu'il faut éduquer les parents, mais aussi les écoles, car ce sont eux qui sont le plus souvent en contact avec les enfants. Et ben, il faut mettre au courant parents, éducateurs, des symptômes du diabète de type 1 afin de le détecter le plus rapidement possible. On en avait parlé la dernière fois de ces symptômes. Je peux en répéter quelques-uns. Oui, pour le bénéfice de nos auditeurs. Ben oui, c'est ça, parce que plus il y a de gens au courant, mieux c'est. Ben oui. Donc, si vous remarquez, par exemple, que votre enfant, tout d'un coup, a une soif intense, il demande à boire fréquemment, s'il a une envie fréquente d'uriner, quand je dis fréquente, c'est plusieurs fois dans la journée, mais aussi plusieurs fois dans la nuit. Ah bon, OK. Un manque d'énergie par moment, une fatigue anormale, une perte de poids souvent, un appétit plus important et des maux de tête. Bon, ça, c'est quelques-uns des symptômes. Et puis, tous les parents, mais aussi les gens dans les écoles, devraient être attentifs à ces symptômes et consulter s'ils persistent. Et j'imagine que c'est ce que tu as fait pour ton fils, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Quand j'ai vu apparaître certains de ces symptômes, je me suis posé d'abord des questions à savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai pas pensé du tout que c'était relié au diabète à ce moment-là. C'est le père de mon fils qui est infirmier, qui a pensé au diabète. Après, quand on a suspecté le diabète, on est allé voir sur les différents sites web, comme tout le monde fait, j'imagine, et tout concordait. Alors, on n'a pas attendu avant de consulter. D'ailleurs, les gens à l'hôpital nous avaient félicités d'avoir réagi rapidement parce que notre fils n'était pas en acidocétose à son arrivée, ce qui est bien. Encore là, il faut faire attention parce que même une fois que notre diabète est diagnostiqué, le risque d'acidocétose reste présent. Ah bon? Et dans quel contexte? Par exemple, chaque fois que mon fils a un virus, que ce soit un rhume, grippe, gastro, je dois mesurer ses cétones, les fameux corps cétoniques dont je parlais tantôt, parce qu'une infection peut faire monter, fait généralement monter la glycémie. Donc, je répète, ce sont des déchets toxiques qui s'accumulent dans le sang quand le taux de sucre reste élevé pendant plusieurs jours. Okay. Donc, notamment pendant un virus. Je les mesure de la même façon qu'on mesure le taux de sucre, c'est-à-dire avec un glucomètre, puis il y a des bandelettes différentes. C'est facile à faire, en fait. On change de bandelette, finalement. On change de bandelette, ça nous dit s'il y a des cétones ou s'il n'y en a pas. Donc, c'est très simple, là. Oui. Et puis, s'il y a des cétones, ben là, on appelle son médecin pour savoir quoi faire. Oui. Puis, bon, un diabète mal contrôlé aussi peut causer une acidocétose. Un diabétique qui calcule mal ou pas du tout ses glucides, il y en a. Ou encore un diabétique qui ne s'injecte pas assez d'insuline, son taux de sucre va monter. Certains médicaments peuvent aussi provoquer une acidocétose parce que ça modifie les besoins en insuline. Ben oui, Alors, si un diabétique n'adapte pas ses besoins d'insuline aux médicaments qu'il prend, il se met à risque d'acidocétose. Enfin, j'ai lu dernièrement, et c'est très nouveau, que la consommation de cannabis peut aussi augmenter le risque d'acidocétose. Tiens, c'est curieux. Est-ce qu'on sait pourquoi, Nathalie? Bien, les études, évidemment, sur l'impact du cannabis se comptent encore sur le doigt d'une main. Là, il est légalisé depuis peu de temps, donc on commence à s'y intéresser. Mais il y a une étude qui a été publiée en janvier 2019 qui rapportait que les personnes qui avaient consommé du cannabis dans la dernière année avaient un risque d'acidocétose deux fois plus élevé que chez les non-consommateurs. Évidemment, on parle de gens qui ont le diabète. Là, c'est ça. On ne sait pas exactement pourquoi et comment ça fonctionne. C'est probablement que le cannabis a un effet sur les glycémies. Mais bon, au moins, toi, tu n'as pas été vraiment inquiété pour ton fils, pour la consommation de cannabis. Il est trop jeune pour ça. Non, pas pour l'instant. Il a juste 8 ans. Mais bon, ça peut venir vite. On ne sait jamais. Donc, vaut mieux se renseigner, prévenir. Puis j'imagine que d'ici là, dans une dizaine d'années, il y aura d'autres études sur le sujet aussi, puis il y aurait possiblement des meilleurs moyens de contrôler le diabète et l'acidocétose également. Tout à fait. Bien, on l'espère. En attendant, diabétique averti en vaut deux, comme on dit. Tout à fait. Et plus on va parler du diabète, plus les gens seront au courant des symptômes à surveiller. Ben oui. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette deuxième chronique sur le diabète et pour ce témoignage. Ça me fait plaisir. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler, d'autres sujets sur le diabète. Notamment, au printemps, il y a une marche pour le diabète qui a lieu au mois de juin à Québec. Et puis, avant de rentrer en studio, je suis tombée sur un communiqué de presse, un nouveau médicament inventé par des Québécois pour traiter les hypoglycémies sévères. Ça pourra peut-être être un autre sujet. Tout à fait. Alors, écoute, Nathalie, c'est un rendez-vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.